La Corée a fêté joyeusement le 1er mai. La troupe d'État d'art national a donné les représentations au théâtre d'art Pongwon et devant la porte Nam du Mont-Taesong. Autres troupes artistiques de la capitale ont également reproduit les représentations au théâtre, jardin et parc d'attractions partout à Pyongyang. Le Cirque national a donné les spectacles acrobatiques et de prestidigitation au parc d'attractions de Mangyongdae et au Cirque de Pyongyang. Les troupes artistiques de tout le pays, comme celles des provinces du Hamgyong du Nord, du Fangye du Nord et du Fangye du Sud, se sont produites au théâtre, en maison de la culture et sur les scènes en plein air. Les usines, entreprises et fermes coopératives dans tout le pays ont organisé des cérémonies et meetings. Les scientifiques et les techniciens, comme ceux à l'Institut de la technologie mécanique de l'Académie nationale des sciences, ont eux aussi célébré la fête du travail.